Piste 24. Phonétique. Exercice 1. 1. Une Française, un Français. 2. Une Italienne, un Italien. 3. Une Belge, un Belge. 4. Une Marocaine, un Marocain. 5. Une Allemande, un Allemand. 6. Une Espagnole, un Espagnol.